Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Xavier à la technique, casé en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 55 à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Sardaigne. Trois coups de chapeau à la chanteuse sarde Maria Carta. Une promenade autour du mot sardine et le tout étoilé des dernières nouveautés de Zouk Effréné. Zouk. Pour toi je ferai tout, je suis prête à tout, je suis prête à tout, tout, tout, tout. Pour toi je serai prête à tout, on s'aime, le reste on s'en fout. Mon ami, mon homme, mon tout, I love you, mon tout, Kim. C'est si magique, l'amour qui nous unit, et c'est ainsi, c'est toi que j'ai choisi, je suis fan de toi et tes caresses, tout ça me fait perdre la tête, tu m'émerveilles, tu es ma vie, mon tout, mon soleil. Les mers feraient le tour du monde. Je suis prête à tout, sans perdre une seconde. C'est toi. La Sardaigne est une île de la mer Méditerranée en région italienne. À l'ouest de l'Italie continentale, à 12 km du sud de la Corse, au nord de la Tunisie et de l'Algérie orientale. Population 1 700 000 habitants. Chef-lieu Cagliari 150 000 habitants. L'île est majoritairement constituée de montagnes et de collines. Le massif du Gennargentu culmine à 1834 mètres. Le climat est méditerranéen dans l'ensemble, mais plus rigoureux dans le centre de l'île où la neige n'est pas inconnue en hiver. C'est une région venteuse, les vents dominants sont le Mistral et le Ponant. Activité économique, la Sardaigne accueille environ 1 million de touristes par an, dont 80% en juillet-août. Le liège, avec lequel on fabrique des objets de toutes sortes, l'élevage ovin et l'élevage caprin, la Sardaigne est le plus grand exportateur de fromage aux États-Unis et au Canada. Agriculture, blé, agrumes, cerises, artichauts, crocus pour le safran, olives et la vigne. Exploitation minière, minerai de fer, minerai de calcium et autres, argent, charbon et zinc. Taux de chômage, 17% selon le petit futé et 70% pour les jeunes. Salaire moyen mensuel, 680 euros. La faune et la flore, en raison du nombre important d'animaux marins dans les eaux, ce sont les Grecs qui nommèrent la sardine, d'après le nom de la Sardaigne. Quelques exemples de la faune et de la flore sarde. Faune, la belette, le cheval de la Glara, le seul cheval sauvage d'Europe, et les grands dauphins près des côtes. Flore, le buis, le figuier de Barbarie et le chardon. Côté littérature, on mentionnera le prix Nobel de littérature 1926 attribué à Grazia Deledda. Et nous en profiterons pour dédicacer cette émission à François-Xavier Deledda et sa famille qui nous écoute sur le net à Montchabou, près de Visil, en Isère, et qui, selon nos recherches, serait bien apparentée à Grazia Deledda, unique romancière italienne lauréate de cette distinction. Festa paesana Maria Luisa Conglu. beaucoup de chapeaux à Maria Carta. Maria Carta, 1934-1994. Une chanteuse italienne qui, en 25 ans de carrière, a parcouru les multiples aspects de la musique traditionnelle sarde. Sa Sardegna Turistica, Maria Carta. Intercontinentale, escusti isola intera, ambiente ospitale, escusti isola intera, intercontinentale, poi a Bosa Marina, con Santo Leonardo de abbastanza fina, orgoglio ad ogni sardo, de abbastanza via, tu Santo Leonardo, allora mi casca campagna, bessa zona e Tanguiana su goro, con sal su al montagna, pesa con la enuoro, su monte orto bene, bellezza oliena, orgo solo istan bene, con forni zona mena, orgo solo istan bene, bellezza oliena, d'organi gusa gruta, besu buer marino, dai su mare suta, salvo casada in sino. Su mare, su tarde, su bue marino, su golfo d'oro sei, e tanto invidia la sotta strella musei, arbatta cascontrada, sotta strella musei, e tanto invidiata. O tal provincia strese a tutti i colori, un groupe de musique français qui s'adresse à un jeune public et qui explore de nombreux styles musicaux. Didi la Sardine. C'est un marin qui s'appelait Jojo. Wow, la mer est belle. Il passait sa vie au fil de l'eau. Wow, sur son bateau. Ce matin-là, en prenant son ravio. Wow, la mer est belle. Ne savait pas s'il reviendrait bientôt. Wow, sur son bateau. Et droit devant. Et droit devant. Toute voile dehors, toute voile dehors, sur l'océan, sur l'océan, pour aller retrouver, pour aller retrouver Didi, Didi, la sardine. Il a vogué le jour, la nuit, Didi, c'est sa copine. il a croisé des dauphins, des paquebots. Wow, la mer est belle, et même des sirènes qui chantaient faux. Wow, sur son bateau, même quand le ciel lui faisait les yeux gros. Wow, la mer est belle, non rien n'aurait pu faire peur à Jojo. Wow, sur son bateau, même pas le vent, même pas le vent, même pas la pluie, même pas la pluie, sur l'océan, sur l'océan, pour aller retrouver, pour aller retrouver Didi, Didi, la sardine. Il a vogué le jour, la nuit, Didi, c'est sa copine. Un jour que la mer faisait du rodéo, wow, qu'elle est cruelle, arrive une vague de 6 mètres de haut. Wow, y a plus de bateau, il coule de tous ses kilos. Wow, Jojo appelle, c'est l'heure du goûter pour les cachalots. Wow, adieu Jojo. Quand tout à coup, des biscottos, plus fort que tout, le tire par le maillot. Ah, c'était Didi. Il avait retrouvé Didi, Didi, la sardine. Il a vogué le jour, la nuit, Didi, c'est sa copine. Pour aller retrouver Didi, Didi, la sardine. Il a vogué le jour, la nuit, Didi, c'est sa copine. Que faire en Sardaigne? Aller à la rencontre des Nurages, ces constructions en pierre en forme de ruche ou en forme de cône datant de l'âge de bronze que l'on trouve principalement en Sardaigne. L'utilisation exacte de ces Nurages est inconnue. Peut-être étaient-ce des temples religieux ou des bastions militaires. Le Nurage le plus connu est Nuraxi de Barumini, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Sardaigne possède les plus belles plages de toute la Méditerranée. La plage la plus étonnante est celle de la Pelozza, près de Stintino. Des espèces uniques de cerfs et de renards vivent dans les bois et montagnes, tandis que différents types d'oiseaux, notamment le pinson des arbres et le flamant rose, visitent l'île chaque année en grand nombre. Le phoque moine de Méditerranée et des tortues vivent dans les eaux sardes et le rorqual peut être repéré près des rives assez régulièrement. L'archipel de la Mala d'Alena, la plupart des îles qui le composent ne sont accessibles qu'en bateau, donc il offre une nature préservée, de superbes vues et des gens sympathiques. Le bastion di San Remi. Cagliari a été bâti sur cette colline, la partie la plus ancienne de la ville. Quartiere Castella se trouve au sommet d'une de ces collines. Elle offre une vue imprenable sur le golfe de Cagliari. Porto Cervo est la destination de vacances préférée des célébrités. Dans la marine de Porto Cervo, on peut admirer des yachts dont la valeur excède plusieurs millions d'euros. Les vestiges romains de Taro et de Nora, ce sont des musées en plein air permettant la promenade à travers les rues romaines antiques, tout en observant les ruines, les colonnes et les thermes. Les anciennes mines, beaucoup ont été rénovées, restaurées ou même transformées en hôtels. Biscende, Sardinia! Meet an Chapeau à Maria Carta. Son beau visage, la fierté et la grâce de son port, plus qu'un symbole, est une personnification de la Sardaigne. Immatériel et sauvage que j'ai toujours aimé. Quand sa voix chaude et puissante s'élève et comble l'espace, il s'ouvre des horizons infinis qui descendent dans l'histoire. Après avoir connu Maria Carta encore une fois, j'affirme que les seuls grands hommes de la Sardaigne étaient des femmes. Giuseppe Dessy, écrivain en 1974. Mutos de amore, Maria Carta. Su goro me wetou uno piano interrare do tu in un paure fa la napazzizzare do ti in un paure su Romeo e tono ti piano interrare un ventuno uno piano interrare do fin d'un baule su coro me muetto ehi su giacano mazzone sa campana sa motu zona da conta guida Yaganu mazore, isugoro ma potu pro un'eterna fida via, ma de amore, sa campana sa molto, via mal de amore, e pro un'eterna fida in su coro ma posto. Sona da tutta guida via mal de amore il sugoro ma potu pro un'eterna vita hai pro un'eterna vita Ehi te bello fiore chi non si sicca mai la panna ma puntana e te bello fiore so somi nessun gai ti dimandana amore ma amore non ti indaga ca non si sicca mai so somi nessun gai amore non ti indaga e ti mandana amore La pana una puntana, so somi nessun gai e ti manda l'amore. Amore, amore, no, no, no, pindata. Une chanson composée et écrite par François Bérail, sortie en 1983. Immédiatement intégrée dans le hit parade des navets, émission de frissons, animée par Jackie. Indéracinable, elle ne quitta jamais les toutes premières places du hit parade. Il faut le faire car à cette époque, le nombre de navets qui sortaient était légion. Quelle surprise de retrouver Madame Sardine en 2020 sur toutes les lèvres de ceux qui l'avaient entendue à l'époque. Quelle surprise d'apprendre que Madame Sardine est enseignée dans les écoles à l'heure actuelle. Madame Sardine, Pierre Richard. Quelle heure est-il, Madame Sardine? Bide et musique. 4h moins le quart, Monsieur Placard, qui vous l'a dit? La petite souris, ri, où habite-t-elle, telle, dans la chapelle? Et que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour Jésus-Christ! Quelle heure est-il, Madame Persil? 5h moins le quart. Attention, Monsieur Baignoire, faut le trouver. En êtes-vous sûr? Sûr, Madame Chaussure? Sûr. Mais certainement. Madame Piment, non. Toi t'es bêta, moi je suis ballot, on s'en fout si on a zéro. L'école ça me pomplaire, mon père est un gangster. L'école ça me pomplaire, le mien est commissaire. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat. Et tu me reverras encore tête de mort. Madame Sardine, 6h moins le quart, Monsieur Tiroir, de mieux en mieux, est-ce bien certain, tintin, Madame Parfum, bien entendu, Madame Laitue, moi je suis débile, et toi t'es nul, on s'en fout si on a une pile. L'école Saint-Pomplaire, mon père est un gangster. L'école Saint-Pomplaire, le mien est commissaire. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat. Et tu me reverras encore tête de mort. Quelle heure est-il? Madame Sardine. Madame Sardine. Déjà? Monsieur Placard. On dit Monsieur Placard. Que maintenant Sarine, je peux plus en placer une, hein. Monsieur Placard. Ah ah, je viens de le lire. Mais oui, mais oui. M'en fous. C'est ça, c'est ça. Pour qui, pour Jésus-Christ. Ils m'ont piqué ma chanson, hein. Oh, oh. Bon bah je me barre moi. Ouais bah je me barre moi. Bon bah je me barre. Que mange-t-on en Sardaigne? Les malorédus ou gnocchetti sardes? De petites pâtes à la sauce tomate parsemées de copeaux de pecorino au fromage de brebis. Les culures jeunes, de gros raviolis fourrés à la pomme de terre ou au fromage avec de la sauce tomate. Les raviolis farcis à la viande ou simplement à la ricotta. La zuppa gallurese, autrefois le plat du pauvre, un gratin de pain au fromage de brebis. Le pecorino, fromage sarde de brebis, une vraie merveille, la star des apéritifs. Le pane carosso, un pain typique sarde, une sorte de galette fine et croustillante accompagnée ou non de charcuterie sarde. Le spianatina, un pain d'origine arabe à base de farine, de semoule et de forme ronde. La focaccia, la pizza blanche, pâte à pizza sans garniture, accompagnée de jambon, de charcuterie sarde, olives et fromage. Les ceadas a miele, un chausson fourré au fromage et frit, le tout arrosé de miel. Les supercedu, du porc à la broche avec une cuisson d'au moins 3 heures. Les panadas, des petits chaussons fourrés à la viande. Les fromagels, des petits gâteaux fourrés à la ricotta et aux agrumes. Le limoncello, le digestif sarde, une liqueur de citron. Et n'oublions pas le vin sarde. Ini della Sardegna. Amore e coro, pensando a te so, donzi momento, noi stes in tristura, prenda e oro, ne in dispiacere, o pensamento, t'assi. T'amo, forte t'amo e t'amo e t'amo, si m'essere possibile, d'angelo, si spirito invisibile, picabo, sa sforma se furabo da. Esso esiste, dose formavo un mondo bellissimo, protene, pro poder disperare. non posso vivere, no, che è un'amargura lontano da etene. Astrolicamos, buonanotte. Troisième coup de chapeau à Maria Carta. Interprète extrêmement sensible et douée, elle eut une forte présence scénique qui ne manqua pas de fasciner les plus grands réalisateurs de cinéma. Maria Carta tint son dernier show à Toulouse en 1993 et décéda d'une longue maladie à Rome en 1994. Ballo Sardo, Maria Carta. Comare mia, venire Samonza, hai messo in tu bello soliano, in e da tu non da mussa mano, comare mia. Soraghino ti do do guinotire, sora guinotti do guinotire, sora guinotti do guinotire, sora guinotti do bendamara, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotire, sora guinotti do guinotire, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotti, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotiro, sora guinotti do guinotiro. Revoir ma petite sardine l'espace d'un instant, tant qu'elle est un enfant. Revoir ma fille juste un petit coup, après on pourra me remettre au trot. J'aurai au moins touché sa joue. Que d'émotions dans cette chanson sortie en 2014, François Hadji Lazzaro du groupe Pigalle y est bouleversant. Ma petite sardine, Pigalle. Sergio et ses frères attendaient au carrefour du grand chalet. Ils ont bloqué le camion qui devait me changer de prison. Les matons n'ont pas joué les héros, compris qu'il fallait pas que je retourne au cachot. J'en avais pris pour 25 ans, je voulais juste revoir mon enfant. Revoir ma petite sardine, l'espace d'un instant, tant qu'elle est encore une enfant. Après ça m'est égal, je mettrai la cavale. Revoir ma fille, juste un petit coup, après on pourra me remettre. J'étais en tôle depuis 3 ans et demi. Le temps passe, ma petite sardine, elle a eu 5 ans jeudi. Ils m'ont largué près d'une voiture volée. Sergio me devait bien ça, ce fumier. Fallait que je file en Espagne, ma petite sardine maintenant était là-bas. Sa mère ne voulait pas que je la voie. Elle en avait marre du père hors la loi. Elles sont parties vivre là-bas, loin de moi, loin de tout ça. J'ai laissé la bagnole à Perpignan pour pas risquer d'être repéré au volant. J'avais en car avec Justine, elle des bons plans et des combines. Revoir ma petite sardine, l'espace d'un instant, tant qu'elle est encore une enfant. Après ça m'est égal, j'arrêterai la cavale. Revoir ma fille, juste un petit coup. Me remettre au trou, j'aurais au moins touché sa joue. Comment avais-je pu être assez con pour m'embarquer dans toutes ces attaques de fourgon? Les barreaux m'ont fait réfléchir, je veux juste revoir la petite et revenir croupir. Mais Justine au rendez-vous n'est pas venue, j'étais foutu. Elle devait m'aider à passer la frontière, à pied, pognon, pétard en bandoulière. Mais elle n'était pas là, alors qu'est-ce que j'allais faire? J'ai bu un demi au bar du canal, merde, il y avait déjà ma gueule dans le journal. Vite, à peine la porte passée, ma patronne a pris son téléphone. Revoir ma petite sardine, l'espace d'un instant, tant qu'elle est encore une enfant. Après ça m'est égal, j'arrêterai la cavale. Revoir ma fille, juste un petit coup. Après, on pourra me remettre au trou. J'aurai au moins touché sa joue. Droit vers l'Espagne, une bonne sœur m'a pris en stop. Elle allait vers la frontière, religieuse, philanthrope. Je lui ai demandé de me laisser au bord des champs. J'ai marché dans les blés très très longtemps. J'ai entendu l'hélico des flics. Ah putain, ils étaient déjà là. J'ai couru ridicule, j'ai tombé à genoux. L'hélico s'est posé là, tout au bout. Les 4 flics en ligne étaient tous armés jusqu'aux dents. J'ai planté ma tête dans les tiges jusqu'aux racines. Je ne reverrai plus ma petite sardine. Je me suis retourné sur le dos. Le ciel était beau, si beau. Ramené de Sardaigne. Côté artisanat, les artisans de Sardaigne créent des poteries qui vont des choses simples de la vie, comme les assiettes, les pots, les vases, mais aussi une céramique beaucoup plus ornementale et même des œuvres d'art. Ramener un couteau de Sardaigne est aussi très typique. La broderie sarde est réputée pour être une des plus fines. Les paniers sardes constituent un magnifique souvenir coloré en raffia, en osier, en paille ou en palmier. Côté bijoux, le corail tient une place importante dans leur confection ainsi que les pierres précieuses. Côté gastronomie, toute une gamme de fromages parmesan, pecorino et mozzarella. Les pâtes de toutes formes et de toutes couleurs ont une texture différente de chez nous. Tomates séchées, semoule de polenta parfumée, charcuterie et bien sûr des gâteaux tels les amaretto aux amandes ou le pain carisso. Isa Rosa, Elena, Leda. Rosa rosa, tentini graziosa, stigna ste mirai. Tutto in d'un ramo, brisca se odorosa, penso solamente i galinti segai. Calindi segai, penso con dolori, dependessi d'una sabros preferia. Ma se una mi incanta, posa rubiori, satara e bianca, appena coloria. Si gusta e vestia con polla sebrata, era insammata e ora da de sei mi brifassa lei però brusa fortuna chi te ho bruste una antivozza segai. Mi privassa lei troppo rigorosa. E se è una sola, don con preferenza, s'atteranda tu, ratonenti e gelosa. Si spicca una rosa, s'atteras in trista, si gusta ma acquista, s'atterandi mori. Si scolori si di pazzo offesa, urdenza frischesa, beni da mancai. Beni da mancai, repentinamente, decido sa sorti mutabili. Si una è civili, satter attraenti, si una eleganti, satter sta amabili. Custa sta mirabili, satter avvezzosa, custa è geniosa, satter innamora.